OK, on va commencer avec ce qu'on a fini. C'était au niveau des enfants. Je pense qu'il y a plusieurs personnes qui voudraient avoir d'autres éclaircissements. Ceux qui n'ont pas d'enfants, ceux qui ne veulent pas d'enfants, est-ce qu'ils évoluent pour rien ou qu'est-ce qui se passe avec eux autres? Bon. Premièrement, c'est évident que s'il y a une transformation, l'évolution de l'homme se fait réellement pas comme l'homme l'envisage et comme l'homme le veut. Alors, ce qui fait qu'à un moment donné, découvrir certaines choses, c'est traumatisant pour l'ego, pour celui qui n'évolue pas et pour celui qui va mourir. Parce que l'homme, tout en étant immortel, est totalement mortel. C'est-à-dire que l'impression, l'identification, l'ego, l'homme meurt. Et en même temps, la réalité dans l'homme continue à vivre. Mais l'identification que l'homme a de lui-même disparaît à sa mort. Alors, ce qui fait que il y a deux formes d'évolution obligatoires dans le plan planétaire pour que l'être humain qui évolue sur le plan planétaire et qui bénéficie de l'énergie évolutive vienne aussi donner son quota d'énergie pour aider d'autres personnes à évoluer. L'évolution sur la Terre, aider un autre à évoluer, ça ne se fait jamais en allant lui donner ou l'aider, c'est-à-dire le pousser ou encore le forcer ou faire du porte-à-porte. L'évolution sur le plan planétaire, on peut aider un individu de deux manières. Si moi j'évolue, que je transforme des choses dans ma génétique et que je meurs sans avoir de descendance, j'ai effectivement, disons, évolué pour rien. Bon. Alors ça répond à une question. Maintenant, une chose qui est sûre, c'est que par contre, toute la transformation, alors j'ai pas évolué pour rien, toute la transformation de ma psychologie qui vient se répercuter dans mon physique et que je vais conserver jusqu'à la disparition de mon physique, donc de la mémoire génétique de mon évolution, ce qui fait que dans ce sens-là, effectivement, mon évolution n'a mené à rien. L'expressivité de ma psychologie, l'expressivité de tout mon vécu est mémorisée par les annales akashiques, c'est-à-dire par l'astral planétaire. Et cette mémorisation d'évolution d'un individu plus hautement évolué en termes de vibration permet de subtiliser l'énergie astrale et l'énergie mentale. Autrement dit, de par mon vécu, de par mes gestes, j'augmente la potentialité qu'a le plan planétaire de recevoir des énergies comme l'énergie supramentale. Alors, ce qui fait que je participe, si je n'ai pas d'enfant, à une évolution collective planétaire, mais ce n'est pas aussi efficace dans le plan de l'évolution que si j'ai des enfants après avoir pu me transformer sur le plan de la génétique, sur le plan du corps physique. Maintenant, il y a deux façons d'aider le plan de la collectivité d'une façon, disons, qui est efficace, mais moins efficace que celui de la génétique, mais qui est totalement essentiel. Alors, soit que moi, j'évolue, je meurs, et automatiquement, disons que la mémoire de tout mon passage, comme le Nazaréen, faut dire que le Nazaréen a laissé des descendants génétiques dans une corporalité, mais disons que si le Nazaréen n'aurait pas laissé de descendants génétiques, n'aurait pas eu d'enfant, son passage, juste le passage, et ce qu'il a laissé comme mémoire dans une tradition, la tradition catholique, la tradition chrétienne, les messes, etc., et de même, tout ce qui a été écrit, a subtilisé l'astral. L'être humain qui était suffisamment dense dans sa psychologie à l'époque du passage du Nazaréen a pu être de beaucoup plus raffiné suite au passage du Nazaréen par la lecture de la Bible, par la pratique de tradition qui n'était que l'expression d'un astral psychologique plus subtil, moins dense, moins satanique. Alors, ce qui fait que n'importe quel être humain qui évolue, donc qui passe dans le plan planétaire sans laisser de descendance génétique en arrière de lui, subtilise le plan de l'astral et présentement le plan du mental. Et subtilisant, donc augmentant le taux vibratoire, c'est ce que c'est subtiliser, hein, le contraire de densifier, rabaisser le taux vibratoire, augmentant le taux vibratoire du schéma mémoriel planétaire, donc de l'astral planétaire ou du mental planétaire, il attire un peu ce que le Nazaréen a fait. Quand le Nazaréen est passé, il a permis à certaines formes d'ajusteurs de pensée d'être attirés par le plan planétaire que lui appelait Esprit Saint. Alors, ce qui fait que n'est un individu qui évolue, soit que dans son passage, la mémoire est cachée qui ramasse son passage, elle est subtilisée par l'expérience et automatiquement, il y a évolution planétaire, mais une évolution qui est hyper lente. Il peut, en plus de cela, éduquer d'autres individus pour que ceux-là puissent mettre dans leur génétique l'éducation de l'individu qui n'a pas d'enfant, et les individus éduqués auront des enfants. Donc, automatiquement, ton évolution, même si tu n'as pas eu d'enfant, elle est propagée par la génétique. La génétique qu'un autre va donner, mais ça n'empêche rien au plan évolutionnaire que c'est transmis dans la génétique. C'est pas nécessaire que ce soit ton enfant qui transmette. L'important, c'est que l'évolution que tu as, tu puisses la transmettre. Et on ne doit jamais cacher quelque chose qui est amélioré. On doit le transmettre publiquement ou à des individus dans un cadre particulier, si le cadre social ne se plie pas, disons, à la transmission. Et automatiquement, toi qui n'auras jamais d'enfant, tu éduques des individus ou des enfants qui finissent par se transformer leur cadre génétique, et eux autres auront des enfants, donc ton évolution sera transmise par leur génétique, même si tu n'as pas eu d'enfant. En fait, un rayonnement, ça ne se perd pas. Le rayonnement diffuse sur les gens, sur la nature, sur tout l'environnement, puis c'est tout ça qui est imprégné, finalement, oui, dans le nouveau fœtus qui vient, et lui-même a un taux vibratoire accéléré, etc. Oui, par contre, il y a évolution beaucoup plus rapide de la masse humaine, avec des élites de plus en plus fréquemment, de plus en plus fréquent, c'est-à-dire qu'il va en être de plus en plus des élites humaines, des surhommes et des surfemmes, qui à un moment donné seront normales, mais sûres par rapport à nous autres. Et si tu prends conscience de la transmission de l'évolution par la génétique, tu fais avancer beaucoup plus rapidement le plan évolutionnaire planétaire. Maintenant, quand je dis tu fais avancer, en réalité, c'est simplement parce que c'est le temps que ça se fasse. L'être humain est capable présentement de mettre au point, ce qui n'a jamais été le cas, des techniques d'enseignement qui permettent la transformation du plan cellulaire, donc du plan génétique chez les êtres humains, pour garantir la transmission dans la génétique. Voyez-vous, il y a de cela longtemps, l'être humain ne comprenait pas le processus de la génétique. D'ailleurs, ça fait quand même pas tellement d'années qu'on connaît le processus même de l'acide désoxyribonucléique, l'ADN, ce qui est le transmetteur de l'énergie mémorielle vitale dans le plan matériel, c'est la génétique, quoi. L'être humain, à cette époque, ne connaissait pas cela. Alors, automatiquement, il devait transmettre le plan évolutif par la tradition. L'être humain, aujourd'hui, arrive, de par l'évolution génétique, disons, inconsidérée ou inconnue à l'insu de l'homme, à pouvoir comprendre le processus de la transmission évolutive par la génétique. Donc, on doit abandonner les traditions à l'instant même où on arrive à comprendre les phénomènes de la génétique. Et l'individu qui continue à transmettre par la tradition... Moi, j'ai lu tel livre, ça m'a transformé. Lis-le, ça va te transformer. Ben, un individu qui continue à fonctionner comme ça, c'est un individu qui ne comprend pas le plan réel de l'évolution sur le plan de la génétique. Alors, ce qui fait que tu as des enfants ou non, si tu comprends le processus, l'être humain a présentement les affinités mentales suffisamment avancées pour que l'énergie de leur ajusteur de pensée puisse leur donner de l'information pour leur permettre de mettre au point des systèmes d'éducation qui prennent en considération la transformation génétique pour pouvoir transmettre l'évolution de la race humaine. Ce qu'avant, on n'avait pas. OK, j'ai trois questions sur la génétique ici, là. C'est bizarre. C'est arrivé à point. Alors, où se situe le Québec présentement face à son évolution, puisqu'il n'y a presque plus de natalité? Et pourtant, on dit que c'est ici que tout va se passer. Je vais te poser la deuxième, mais dans le même sens. Pourquoi la baisse de natalité dans les pays civilisés? Bon, alors, si on... Les personnes, s'ils se reposent la question en vue d'y répondre, ils risquent d'y trouver la réponse. Ça vient simplement, disons, appuyer ce que je viens de vous dire au niveau du chemin sur les chemins. Si les individus qui naissent pour, disons, au Québec... Si au Québec, c'est l'endroit privilégié, évidemment, on parle du Québec, une partie de l'Ontario, le bouclier laurentien, la Terre-Blanche. Si le Québec, c'est un endroit privilégié pour pouvoir faire naître la race des élus, c'est-à-dire, disons, la sixième race mère, la race du Verseau. Cela veut dire que les êtres qui vont naître seront plus intelligents, ils seront différents de nous autres. Cela veut dire que le contexte social doit se prêter à une naissance de ces êtres-là pour ne pas faire... ce qu'on a déjà vu il y a 2000 ans, un massacre total des nouveau-nés ou des enfants par le fait que la société ne peut pas les endurer. Donc, on les déforme par la drogue, par un paquet de phénomènes aberrants. Ce qui arrive, c'est que présentement, l'être humain doit donner naissance à une corporalité infantile beaucoup supérieure à celle qui nous a servi de support. Pour cela, la race humaine québécoise doit être vachement plus évoluée dans sa génétique qu'elle l'est présentement. Ce qui fait que si c'est au Québec que cela doit se passer, il ne doit plus y avoir de naissance au Québec tant que l'être humain n'est pas prêt à enfanter l'ère du Verseau. Alors, il y aura presque plus de naissance dans les pays civilisés où le mental existe, et qui dit mental dit possibilité de relations supramentales. Donc, dans les pays industrialisés, dans les pays mentalement civilisés, automatiquement, il y a baisse de natalité pour cette raison. Toi, tu n'auras pas d'enfant parce que l'enfant que tu vas mettre au monde va être un problème dans le Verseau. Problème qui devra être détruit par les enfants du Verseau. Alors, tu n'enfanteras pas, tu ne t'accoupleras pas dans le but d'enfanter. Et dans 10 ans et dans 15 ans d'ici, l'expérience est de même que les contacts, les affinités vibratoires, supramentales ou d'ajusteurs de pensée, t'auront suffisamment transformé pour que ta génétique soit transformée. Les temps seront différents, alors là, l'être humain recommencera à s'accoupler et recommencera à avoir des enfants. Mais il prévoira le contexte de l'accouplement, il prévoira le contexte de la gestation. Ce sera pas une gestation comme on la fait présentement, où quelques mois avant d'accoucher, tu peux te laisser ton travail. Tu prévoiras le contexte de la naissance. Tu prévoiras le contexte, évidemment, de l'éducation de 0 à jusqu'à 3 ans, disons dans le début, parce que c'est à cette époque-là, surtout, que l'identification de l'astral planétaire va tenter de venir emprisonner le nouvel enfant pour pouvoir l'assujettir par après en tant qu'adulte à la psychologie planétaire. Alors, ce qui fait qu'automatiquement, dans un nouveau temps, dans un nouvel espace, c'est-à-dire que la géographie, la géologie et tout le système social québécois va être transformé d'ici quelques décennies. Alors, automatiquement, là, l'homme va commencer à se multiplier. Et il pourra enfanter des êtres physiques qui seront, disons, divins à leur naissance, en ce sens qu'ils seront réellement supérieurs à ce que les êtres humains présents étaient à leur naissance. Donc, si toi, dans 15 ans d'ici, tu enfantes un enfant qui, dans 15 ans, donc, dans 30 ans, lorsqu'il aura 15 ans, est obligé de s'armer pour se battre contre l'enfant que présentement tu pourrais enfanter et qui n'irait pas du tout dans le cadre du Verseau, on retarde tout le processus d'évolution planétaire à beaucoup plus loin. Il y a encore des enfants qui naissent, mais plusieurs sont déjà des êtres de la sixième race et certains sont des êtres du poisson, des relégats du poisson, qui se détruiront eux-mêmes par la drogue et par différents problèmes. Certains êtres du Verseau sont aux prises avec les problèmes, évidemment, du poisson, la drogue et ces choses-là, la majorité arriveront à s'en débarrasser. Ces êtres-là sont une petite élite qui, quand même, vont avoir comme objectif de faire en sorte que la race humaine, disons québécoise, mais en réalité, ce n'est pas que la race québécoise, que la race des élus puisse continuer à vivre, à cheminer dans le corps physique jusqu'à l'époque où on devra enfanter des enfants qui seront réellement de la sixième race. Alors, ce qui fait que présentement, il y a baisse de natalité dans les pays civilisés mentalement, évidemment, et non pas civilisés psychologiquement, ce qui est une bonne différence entre l'un et l'autre, pour pouvoir permettre une épuration sociale, une épuration humaine, pour permettre à ceux qui vivent d'acquérir par l'expérience dans l'évolution de l'homme inconscient et synonyme de souffrance, acquérir par la souffrance suffisamment d'expérience pour arriver à transformer son plan génétique pour que, dans quelques décennies, il puisse enfanter la race des élus. OK. Que penses-tu des bébés éprouvettes? On a vu que c'est fait des expériences d'implantation. Oui, dernièrement, au Québec, il y a une personne... On a fait 100 tentatives, et il y a une personne sur laquelle ça a réussi, une personne qui vit au Québec, donc c'est la première au Québec. Les bébés éprouvettes, vois-tu, c'est une expérience qui n'est pas malsaine en soi. La seule chose, c'est que on va, par cette expérience, à l'encontre du phénomène retardatif ou encore du phénomène restricteur du prolongement de l'ère du poisson dans l'ère du Verseau. C'est-à-dire qu'on met au point des enfants qui sont des enfants du poisson, qui ne devrait pas normalement voir le jour dans un contexte comme celui vers lequel on s'en va, et on oblige un individu à se réincarner dans un contexte similaire. Maintenant, Il y a une raison pour cela, une grande raison. C'est simplement pour permettre à l'identification égoïque de l'homme d'arriver à croire qu'il sera un jour capable de pouvoir faire naître un homme psychologique précis selon ce que lui-même voudra avoir. Cela veut dire qu'on pourra prendre des bébés éprouvettes. On commence par le bébé normal, c'est-à-dire qu'on ne fait rien de catastrophique. On fait juste féconder un ovule et quand c'est fait, on la transplante dans un utérus maternel sans toucher à quoi que ce soit. Mais le but des savants qui ont commencé ces phénomènes est d'arriver à pouvoir transformer la génétique, non pas par l'évolution de l'individu, comme normalement cela va se faire dans l'évolution humaine, mais par la trituration biologique et chimique et radioactive, donc énergétique, mais ce n'est pas une énergie vitale, c'est une énergie magnétique. Transformant la génétique, on essaie d'arriver à éliminer les caractères récessifs, donc ceux qui sont faibles, sur les caractères dominants, ceux qui vont paraître. Autrement dit, tu as les cheveux blonds, c'est un caractère dominant, et tu avais peut-être le caractère récessif noir, mais vu qu'il était récessif, tu as les cheveux blonds parce que c'était le caractère dominant. Alors, ce qui fait qu'à un moment donné, l'homme va finir par croire qu'il va être capable d'enfanter, de créer, typiquement, non pas dans une femme, typiquement à l'extérieur, des phénomènes humains qui pourront servir de robots. Donc, créer une race d'esclaves qui permettra à l'être humain, disons conscient, de pouvoir, d'arriver à ne plus avoir à travailler dans les mines d'amiante, par exemple, où il risque l'amiantose. Alors, on fabriquera des êtres humains qui seront suffisamment imbéciles pour pouvoir travailler dans une mine d'amiante, et s'ils meurent, ben, il n'y a rien là, c'est pas un être humain. C'est une corporalité programmée par l'être humain de façon à ce qu'elle accomplisse une tâche sans jamais s'entanner. Un être humain sans astral ou avec un astral, un âme très diminué, sans psychologie. Donc, l'être humain va pouvoir passer ton aspirateur, servir de petit chien si tu t'ennuies, bâtir des autos. Tous les travaux manuels dangereux ou que l'homme déteste pourraient être faits par ces hommes-là. Si l'identité de l'homme, si l'homme peut croire qu'un jour il aura la science pour fabriquer ces espèces d'êtres humains, cela le rassure. Et pendant que la psychologie de l'astral est rassurée par ce phénomène-là, l'être humain ne cherche pas à évoluer, à transformer la génétique par l'évolution, une évolution d'éducation. Alors, comme je te dis, ces clones-là, ces phénomènes-là sont des phénomènes donnés, obligés à l'homme par le plan astral, le plan satanique, qui donne un outil à l'homme pour que l'homme puisse se retarder encore plus dans son évolution. L'autre principe du clone, du clonage, c'est-à-dire de l'évolution, de la transformation génétique dans les éprouvettes, ce qui n'a pas été le cas au Québec présentement. Comme tout à l'heure, je le répète, la personne qui présentement porte un enfant, c'est un enfant normal, qui n'a pas été trituré, qui n'a pas été transformé. Bon. Le clonage, c'est-à-dire que l'enfant transformé, la transformation du gène, peut aussi amener l'être humain à pouvoir créer des génies. Des génies qui solutionneront nos problèmes. Créer des hommes qui iront se battre. Donc, tu fabriques un soldat parfait et tu le reproduis à 2 millions d'exemplaires et tu l'envoies sur les fronts. Et quand il en manque, ben, t'en fais d'autres. Pas de problème. Alors, ce qui fait que tu peux aussi arriver à créer par cette transformation génétique, elle est expérimentale. On a réussi à créer des chats à trois têtes. On a réussi à créer des poules à quatre pattes. Pour avoir plus de cuisses, ça c'est la compagnie, je dirais pas le nom qui a travaillé là-dessus, mais souvent on mange souvent de ces poulets-là. Des poulets déplumés d'avant, qui naissent pas de plumes, pour pas avoir à les déplumer par après, ce qui sont du travail dans les compagnies. Alors, on a plusieurs phénomènes dans le genre, et c'est réel, le poulet à quatre pattes ainsi que le poulet pas de plumes. Ça permet aux industries de faire plus d'argent, tu te rends compte, tu as besoin de deux fois moins de poulets pour autant de cuisses, et tu n'as pas les déplumés. Hein? C'est un travail dans la génétique qui donne des transformations. Maintenant, il y a eu des problèmes. Le poulet pas de plume mourait de froid. Et enfin, il y a plusieurs choses dans le genre. C'était pas parfait. L'idée aussi, c'est d'arriver à pouvoir transformer ce que je veux. Je m'en vais voir la compagnie. Je lui dis quel genre d'enfant je veux avoir. Il me le fabrique. Et après ça, ma femme accouche d'un enfant qui a les caractères physiques que je désirais. Les cheveux comme je les voulais. Les yeux comme je les voulais. Tout comme je le voulais, ainsi que la psychologie que je voulais. Cela veut dire que je vais avoir, évidemment, regardé les parents. Si les parents auraient accès à ça, on aurait tous des enfants esclaves. Un enfant qui est sage, un enfant qui écoute, un enfant qui rentre à l'heure qu'on veut, bref, un enfant parfait, qui ne sera jamais un adulte parfait parce qu'une fois les parents morts, il n'aura plus de programmeur pour le diriger. Et l'inconscience de l'être humain fait que jamais, du moins avant très long terme, il n'aura la capacité intelligente de pouvoir aboutir dans son clonage. Par contre, en attendant, il s'amuse, cela l'occupe, et au lieu de travailler sur la transformation génétique par l'évolution sur le chemin, celui que j'ai parlé ce soir, l'astral l'occupe à essayer de faire le travail sans que lui ait à se transformer. Alors, je vais créer l'homme parfait, la femme parfaite, qui pourra enfanter des enfants parfaits. Et par la science, je vais le faire. Et tu crois que c'est correct. Tu crois que c'est parfait. Mais le problème, c'est que l'homme ne sait pas ce qu'est un homme parfait. Et l'homme, même en tripotant les produits chimiques, il ne pourra jamais arriver à créer un être parfait. Parce que la perfection de l'homme n'est qu'un concept, une interprétation d'un processus qu'il a perçu mais qu'il ne connaît pas. Alors, il ne pourra évidemment pas créer un être parfait. Comment qu'il fait l'homme pour faire rappeler dans l'invisible, dans l'astral, si tu veux, une entité à embarquer dans sa game comme tu ça? Tu fabriques un corps physique et c'est tout. Et l'énergie vibratoire du corps physique, selon l'état vibratoire du corps physique, donc selon l'état de la génétique qui le crée, va attirer obligatoirement, par effet d'amour, une entité psychologique qui fit avec le corps physique, qui va attirer une entité, disons, identifiée au niveau du mental, pour créer un être humain qui s'exprimera selon la capacité de son corps physique. Maintenant, il y a suffisamment d'âmes, disons, en voie de formation ou en voie de déformation sur le plan planétaire pour venir habiter un individu qui n'a pas de possibilité d'expressivité psychologique de par le plan physique. Donc, tu auras des zombies, des morts vivants, des individus qui ont un plan vital, qui ont un plan physique et qui n'ont comme plan psychologique que le fait d'être assujetti à un maître extérieur. Alors, comme le vaudou peut en créer, c'est-à-dire que le vaudou, par certains rituels, va réussir à éliminer l'identification chez l'être humain. Alors, automatiquement, l'être humain reste vivant, mais psychologiquement, il est mort. Mentalement, il est mort, cela va de soi, parce que le mental est attiré par la psychologie, donc n'ayant plus de psychologie, il n'y a plus de mental. Il ne reste qu'une parcelle mémorielle programmée, car lorsque tu fabriques un zombie, tu dois retirer l'âme, mais tu dois lui en donner un autre immédiatement. Sinon, il y a des agrégations du corps vital qui, évidemment, va amener le pourrissement du corps physique. Alors, tu reprogrammes, donc tu reformes, tu recrées. D'ailleurs, certains contextes militaires ont aussi fait du voodoo. Le lavage de cerveau, c'est la même chose. Alors, ce qui fait, sauf que tu as moins de formules, moins de cierges, moins d'encens, puis tu cries moins fort, mais c'est le même phénomène. Alors, ce qui arrive, c'est qu'en fabriquant un zombie, tu as donc un être humain qui est parfait pour accomplir des choses que tu lui demandes. Tu as donc un esclave humain, mort, vivant. Et on peut aussi créer en éprouvette, on ne peut pas, mais disons que l'homme croit qu'un jour il pourra, sans doute que certains phénomènes vont pouvoir aboutir pour prouver à l'homme l'intelligence supramentale va permettre certains accomplissements qui vont évidemment retomber dans le visage de l'humanité pour lui permettre à cette humanité-là d'apprendre. Lorsqu'on parle de différents phénomènes apocalyptiques, on pourrait aussi penser que certains êtres humains qui sont formés par le plan génétique peuvent servir de bêtes, peuvent servir de différents phénomènes qui vont amener une certaine forme d'apocalypse sur le plan planétaire. Regardons simplement Adolphe. Adolphe était en prison. Adolphe Hitler, évidemment. Il était en prison et à un moment donné, on l'a libéré à la condition qu'il finisse par devenir Führer. Alors, il a accepté, la fureur éteinte, il est en colère, et puis on l'a transformé. Qu'est-ce qu'on a transformé chez lui? Sa génétique. Toutes les fois que la société crée un criminel ou crée un individu inadapté, qu'est-ce qu'elle a fait? C'est simplement le résultat de l'évolution génétique d'une société qui finit par tous les facteurs récessifs, c'est-à-dire ceux qui ne paraissent pas chez toi. Tu es un voleur en puissance, mais c'est récessif, donc tu ne voles pas. Tu es un meurtrier en puissance, mais c'est récessif, donc tu ne voles pas. C'est récessif dans ta psychologie et dans ton domaine matériel. Récessif dans ta psychologie, c'est-à-dire que la morale va écraser ça. Mais la journée que la morale est ébranlée, tu peux devenir un assassin. Alors, on a fait une expérience aux États-Unis il y a plusieurs années de ça. Une expérience très simple. On a pris un acteur qu'on a placé dans une espèce de laboratoire. On l'a branché sur différents filages électriques et on a fait venir la population. On voulait étudier les capacités d'apprentissage par essai et erreur de l'acteur. Personne ne savait que c'était un acteur. Tout le monde pensait que c'était un cobaye humain qui s'était voué à faire l'expérience. Et vu qu'on manquait de personnel, on engageait les individus. Alors, moi, je t'engage, tu rentres. Et là, moi, je pose des questions à mon acteur. Tu sais pas que c'est un acteur. Et toutes les fois qu'il se trompe, tu lui donnes une décharge électrique. Mais chaque fois que tu donnes une décharge électrique, la décharge suivante est automatiquement amplifiée. C'est pas toi qui contrôle, c'est automatiquement amplifié. Ce qui fait que, de décharge en décharge que tu lui donnes parce qu'il n'apprend pas, la décharge électrique est augmentée. Alors, tu sais qu'à un moment donné, tu vas dépasser une phase critique où tu vas le rendre fou et une phase critique où tu vas le tuer, tu vas l'électrocuter. Maintenant, l'acteur fait juste acter le phénomène, il n'y a pas de courant électrique, mais l'individu ne le sait pas. On a passé des milliers d'Américains de tous les âges, de toutes les conditions sociales. Et au-delà de 80 % des Américains qui sont passés là, au nom de la science, ont tué l'acteur. Alors, la psychologie, la transformation génétique, elle se fait, tu as un caractère récessif, tu es meurtrier. Mais la psychologie morale, sociétaire, elle est dominante. La journée que la guerre éclate, ou qu'on a une grève de police à Montréal, on a pu déjà constater que les bons citoyens brisaient les vitrines pour avoir des bonnes télévisions. Pour le baisse, parce qu'il voulait simplement voir les nouvelles si la grève de la police était pour finir à la télévision. Puis il n'y a pas de hors score. Alors, le caractère récessif devient dominant lorsque le caractère dominant disparaît. Et toutes les fois que, par la génétique, on enfante un enfant qui devient un violeur, un meurtrier ou un assassin ou n'importe quoi, meurtrier et assassin, remarquons que c'est similaire, n'importe quoi, c'est simplement une évolution récessive génétique. Autrement dit, lui a muté en aberration au lieu de muter en évolution. Et même un individu qui mute en évolution peut être, si la société est adéquate, repris et on le retransforme. Mais pas par des lobotomies, pas par des moyens nécessairement chimiques ou chirurgicaux, par des moyens vibratoires, c'est-à-dire qu'il est placé dans un contexte où les affinités vibratoires vont transformer sa génétique, ou encore, on va lui donner des hormones qui lui manquent, ou encore des anti-hormones, s'il a certaines formes d'hormones qu'il a trop, qui l'amènent à avoir un caractère sexuel extrêmement fort. Hein? Tout le monde sait que les glandes sexuelles sont des glandes endocrines, c'est-à-dire qu'elles sécrètent dans le sang, sauf les testicules et les ovaires qui sont endocrines et exocrines, c'est-à-dire qu'elles sécrètent aussi à l'extérieur du système sanguin. Et à un moment donné, si tu as un débalancement de ton système endocrinien, parlons de celui sexuel, tu peux faire un viol. Tu peux même aussi aller jusqu'à tuer. Tu vas tuer un enfant, ou tu vas tuer une femme, ou tu vas tuer un homme, mais c'est un problème sexuel. Bon, et si on corrige la maladie endocrinienne, tu redeviens un honnête citoyen. Au lieu de corriger, on peint, on met en prison, disons, mais il faut dire que l'évolution scientifique est ce qu'elle est. Alors, ce qui arrive, c'est que l'évolution génétique, la société au complet, finit par enfanter des problèmes. Et c'est normal, dans une société, que tu enfantes des problèmes. Tu n'as pas le choix pour la simple raison que l'étude génétique des mélanges n'est pas faite. Autrement dit, pour arriver à avoir une société, évidemment, je ne vous demande pas de faire ça, présentement, c'est incompréhensible par la psychologie de l'homme, mais c'est une chose qui devra être à un moment donné. Elle se fera vibratoirement parce que ce sera intelligent. On ne se mariera pas parce que l'on va s'aimer. On va se marier parce que ça va être intelligent de se marier. Et automatiquement, on va aimer ça parce que c'est intelligent. Cela veut dire que toi, tu es toi, moi, je suis moi, toi, tu es une femme, moi, je suis un homme. Disons que ça fait des enfants plus forts. Et puis, à un moment donné, on se côtoie, on apprend à vivre ensemble. Et moi, je connais, je sais qui tu es. Je suis suffisamment évolué pour savoir qui tu es. Et toi aussi. Donc, je sais que si j'ai un enfant avec toi, ce sera un enfant qui sera très évolué. C'est donc intelligent qu'on ait un enfant, et c'est donc intelligent qu'on vive ensemble, qu'on s'accouple et qu'on mette un enfant au monde et que tous les deux, on l'éduque. On va aimer ça, mais ça va être intelligent d'aimer ça. Ce qui n'est pas le cas, évidemment, des mixages sociétaires que l'on connaît. C'est une intelligence renouvelée, non pas une intelligence juste au début au contrat, finalement. C'est justement. Alors, ce qui fait qu'à un moment donné, les individus enfanteront selon les caractères génétiques qui seront importants pour l'avenir génétique de la race. Autrement dit, on n'aura pas des enfants pour le fun, on n'aura pas des enfants parce qu'on aime ça, parce qu'on n'a jamais l'enfant qu'on veut, on aura un enfant lorsqu'on aura trouvé un conjoint qui permet l'éducation de l'enfant d'une façon intelligente et qui permet l'enfantement génétique d'un enfant plus intelligent. Autrement dit, on pourrait presque dire qu'on devrait regarder l'arbre généalogique d'un individu pour savoir les probabilités génétiques de l'enfant qui va naître. Je regarde l'arbre généalogique et on a Dracula, Frankenstein, on a un paquet d'individus suspects dans ton arbre généalogique et on arrive à toi. Tous les caractères dominants étaient des caractères monstrueux et tous les caractères récessifs étaient des bons caractères. Et par le mélange génétique, toi, tu es apparu sur la planète Terre avec tous les caractères récessifs. Donc, automatiquement, ils deviennent dominants car ils ne sont pas dominés par rien d'autre. Et tu es, toi, absolument bon, absolument génial, le pur saint qu'il n'y a pas sur la planète Terre. Tu te mélanges avec une femme et tu enfantes un autre monstre. Parce que dans toute l'échelle génétique, tu étais une apparition des caractères récessifs et par après, les caractères dominants reprennent. Et si on étudie l'arbre généalogique d'un individu, on est donc capable de savoir que cet arbre, se mélangeant à cet arbre, enfante telle probabilité. Et automatiquement, il y a, disons, intelligence d'enfantement. Maintenant, ça, c'est un critère qui serait donné à des individus qui ne sont pas suffisamment évolués vibratoirement pour être capables de connaître l'autre. Alors, ils seraient obligés de se référer à un arbre généalogique et de connaître l'histoire humaine des individus. Mais cela n'arrivera jamais. À un moment donné, l'être humain sera suffisamment évolué pour décider qu'une union est illimitée entre deux individus lorsque l'intelligence vient cimenter l'union et là, ils pourront avoir un enfant ou plusieurs enfants, dans l'intelligence de l'enfantement. De toute façon, à un moment donné, on va revenir sur le phénomène de la conception de l'enfant dans une conférence ultérieure en 85. Alors, ce qui fait qu'on va donc sortir un peu du sujet. Alors, ce qui fait que la société elle-même va donner de temps en temps des caractères dominateurs qui sont mauvais. Alors, on crée des individus qui sont aberrés, c'est-à-dire que c'est simplement chacun d'entre vous, il y a quelque chose qui n'est pas correct. Et si toutes ces lacunes-là apparaissent chez un être humain, ben l'être humain, il est bien mal pris. Et vous avez tout quelque chose de parfait. Et si à un moment donné, tous ces caractères parfaits-là qui sont dominants apparaissent chez un être humain, on crée un individu extraordinaire qui peut être engendré par notre société. Mais le problème, c'est que l'inverse est aussi vrai. Alors, de temps en temps, on a un Gandhi et de temps en temps, on a un Adolf Hitler. De temps en temps, on a un Aurobindo. Et de temps en temps, on va avoir un révérend Moon ou encore un révérend Jones. Alors, de temps en temps, on a une société qui crée quelque chose d'absolument extraordinaire, comme l'a été l'enfantement du Nazaréen. Le Nazaréen a été prévu génétiquement et la secte nazaréenne, qui était reliée à la secte essénienne, avait prévu, calculé pour qu'à un moment donné, tel mâle vienne rencontrer telle femelle pour donner naissance à Joseph, pour donner naissance à Marie. Et après ça, bien évidemment, d'autres processus que j'expliquerai pas ici, parce que premièrement, ça pourrait être, très mal compris par la population, en ce qui concerne, l'Immaculée Conception. Mais le Nazaréen avait un corps physique parfaitement prêt à recevoir ce qu'il devait recevoir, c'est-à-dire l'essence christique. Sinon, le Nazaréen n'aurait pas été Jean. Jean était une probabilité, Jean le Baptiste, était une probabilité physique du Nazaréen. C'est-à-dire que le Christ avait le choix de naître entre Josué ben Joseph et Jean le Baptiste. Les deux étaient une probabilité pour pouvoir recevoir le Christ. Et dans la corporalité, dans l'essence même, la perfection corporelle avait été atteinte parce que les deux femmes avaient enfanté d'une façon similaire. Et l'une était supposément immaculée, l'autre, elle était un peu moins. C'est-à-dire que, disons qu'elle n'avait jamais eu d'enfant, mais elle avait déjà eu des tentatives. Mais ce n'est pas la raison pourquoi Jean n'a pas été élu, c'est simplement que la corporalité physique de Jean ne se prêtait pas parfaitement à la réception de l'énergie christique, et c'est donc le corps Josué ben Joseph, plus connu par après sous le nom de Jésus, le Nazaréen, qui a reçu le Christ. Puis l'autre qui était presque prêt, finalement, quelle mission qu'on a? Lui, alors, la mission qu'il a eue, ça a simplement été de préparer le chemin pour celui qui devait suivre. C'est-à-dire que le temps ne se prêtait pas. Alors, Jean est venu au monde avant, quelques années avant Josué, avant le Nazaréen, avant Jésus. Et lui, il n'était pas l'être parfait. Alors, ce qui fait qu'automatiquement, il a eu comme mission de préparer le chemin parce que c'est évident que l'être parfait s'en venait. La corporalité génétique physique était presque en train d'aboutir. N'importe quand, si on arriverait à recréer un corps physique similaire à celui de Jésus de Nazareth, on aurait automatiquement incarnation d'une entité extraordinairement supérieure à celui de l'homme. Ça ne serait pas l'entité car ne reviendra pas. Essaye de reproduire artificiellement. Il y a quand même un filon dans sa tête. Il y a quelque chose dans quelque part qui... Une intuition qui l'amène quand même. T'sais. Il est toujours dans la réplique, mais quand même. Continuellement. Mais la seule chose qu'il y a, c'est que l'homme, au lieu de transmettre par la génétique, de faire un travail génétique, travail qui a déjà été fait par quelques écoles ésotériques, qui étaient manipulées, disons, par une intelligence supérieure. On a eu l'école essénienne qui était manipulée par un Melchisédek. On a eu l'école... Disons que dans l'Antiquité, on a eu l'école rosicrucienne qui était manipulée par Lazare. Aujourd'hui, disons qu'évidemment, comme dans n'importe quelle école, il y a un apogée, puis après, il y a une destruction. Alors, ce qui fait qu'aujourd'hui, ce n'est plus le même état, disons, de transmission de connaissances de par la génétique. Quoique, si on regarde simplement les phénomènes d'apprentissage où on a des initiations physiques réelles et authentiques, ce sont souvent des écoles manipulées par l'énergie intelligente. Évidemment, je parle d'initiations qui ont un but intelligent et qui ont des résultats. C'est-à-dire que si j'ai une initiation et qu'après avoir essayé 100 individus, j'ai 100 échecs, je ne peux pas dire que parce que j'ai des initiations que c'est l'énergie intelligente qui dirige mon affaire. C'est pas non plus une question de chiffres. C'est pas une question de chiffres qui fait que t'as réussi. Non, mais si tu en as pas assez 100, tu aurais dû avoir 100 succès. Parce que sinon, tu aurais été suffisamment dirigé par l'énergie intelligente pour reconnaître ceux qui peuvent et ceux qui peuvent pas. Alors, automatiquement, il y a une bonne différence. Si on regarde simplement le révérend Jones, qui a initié 900 quelques personnes à une phase évolutive assez exemplaire, le suicide collectif qu'on a eu en Guyane, Jim Jones, à Johnstown, ah, évidemment, on a initiation. Mais Satan ou Belzébuth manipulait les phénomènes. C'était pas une énergie intelligente de style Yavik. Alors, ce qui fait que, de toute façon, dans l'évolution, tu auras toujours des caractères qui apparaîtront aberrés, involutifs, ce qui a été le cas aussi à l'époque du Nazaréen. Hein? La majorité des individus qui naissaient étaient normales, c'est-à-dire que par rapport à nous, ils étaient réellement archaïques. Et de temps en temps, on avait des individus réellement malades. Quand le Nazaréen guérissait certaines formes de maladies, il magnétisait. C'est-à-dire que, soit qu'il imposait les mains, soit qu'il parlait, autrement dit, il communiquait de l'énergie vitale chez les autres. L'énergie vitale a comme processus, a comme, affinité, comme moyen de travail dans la corporalité physique, celle de donner la forme physique. C'est la mémoire du corps. Et si tu as une autre jambe ou tu as un bras paralysé et que mon énergie vitale, qui est celle d'un bras qui fonctionne, vient baigner ton corps, automatiquement, toutes les cellules, si mon énergie vitale est supérieure à la tienne, ce qui est évidemment le cas dans le cas du Nazaréen, automatiquement, tes cellules deviennent identiques à la mémoire vitale qui maintenant t'habite, la mienne. Donc, automatiquement, instantanément, ton bras se remet à fonctionner. Maintenant, il n'est pas dit que toutes les guérisons ont été perpétuelles, c'est-à-dire qu'elles ont pu disparaître à un moment donné si l'individu ne se transformait pas suffisamment après la guérison pour pouvoir, selon le processus génétique que tout à l'heure j'expliquais, pour pouvoir vibrer de lui-même cette énergie. Donc, à un moment donné, tu guéris, il retombe malade, tu le reguéris, il retombe malade. Tant qu'il n'apporte pas de correction. Automatiquement. En ayant un corps physique plus près, il avait la possibilité de pouvoir plus facilement apporter la correction. Et s'il ne l'apportait pas la correction, il devait donc automatiquement finir par retrouver sa maladie. Et ça, le Nazaréen le dit souvent, pas nécessairement dans les mots qui sont rapportés, mais quoi qu'on en parle un peu, tu dois te repentir. ne recommence plus. Alors cela, disons que traduit le phénomène que tu dois te transformer. Je t'ai guéri, mais ne recommence plus. Donc automatiquement, ou encore suis-moi ou suis mon chemin, enfin bref, tu dois transformer tes cellules, ta génétique, pour qu'elles vibrent l'énergie qui t'habite maintenant. Sinon, cette énergie-là qui est mienne, tu vas finir par la consommer et tu vas redevenir malade. Alors, automatiquement, la génétique a toujours été le mécanisme même de l'évolution. Le Nazaréen le savait, les Esséniens le savaient, les Lazares, le comte de Saint-Germain le savait, certaines rares écoles, que je nommerai pas les noms, le savaient, mais aujourd'hui, ces écoles sont révolues. Ils ont connu trop d'adeptes, ils ont été trop diffusés, et évidemment, ils ont donc été dilués. Étant dilués, le processus de transmission de connaissances génétiques n'existe plus. Alors, automatiquement, on doit recréer une nouvelle forme d'enseignement génétique, une nouvelle forme d'école, disons, école qui prendra jour ici au Québec, parce que c'est l'endroit où devront être éduqués, évidemment, les enfants du Verseau. OK. Lorsqu'un individu n'a pas évolué génétiquement dans cette vie et meurt, lorsqu'il se réincarne, est-ce la volonté qui permettra à cet être d'évoluer génétiquement? Sinon, quel est l'élément essentiel qui lui permettra cette évolution? Alors, voyez-vous, on a déjà expliqué lors de la conférence La réincarnation, le phénomène de la réincarnation. Ça donnait bien. Et l'individu qui meurt, et disons qu'il n'a pas évolué dans sa génétique, donc il n'a travaillé que sur l'évolution de l'image qu'il avait de lui-même, sur la forme, il meurt. Son plan mémoriel, son identification disparaît et est digérée par le plan psychologique planétaire, de même que son corps physique et de son corps vital. Cela veut dire que si on a tous des affinités psychologiques similaires, si on meurt tous, toutes nos identités sont mélangées ensemble et se colorent ensemble pour ne créer qu'une seule forme d'identification. Alors, quand on est mort, si on s'aime, on se retrouve. C'est normal, faites-vous-en pas. Mais on ne se retrouvera pas de la même manière, on va être baigné l'un dans l'autre. Totalement mélangé, dissous. Naîtra, quelques années plus tard, 80 individus dans lequel ou dans lesquels ces 80 individus-là iront se réincarner, ce grand brouillard de nos 80 identifications. Donc, on aura 80 individus qui seront la réincarnation des 80 personnes ici présentes, mais ce ne sera pas les mêmes individus, car ce sera un mélange des 80. Ce qui fait qu'à un moment donné, un individu naît et il est Mozart. Il joue comme Mozart. Et au Japon, on a un individu qui naît et qui joue comme Mozart. En Angleterre, à la même époque, un individu naît et il joue comme Mozart. Ce qui fait que on a plusieurs individus ici qui sont Jules César ou qui sont, enfin bon. Alors, les individus ont effectivement des affinités, disons, 15 individus ont des affinités de Mozart, parce que Mozart s'est réincarné dans 15 individus, mélangé avec 15 autres individus qui sont fusionnés ensemble, et on appelle ça une réincarnation pluralitaire. Ça rentre-tu dans les gènes récessifs, ça? Oui. Par contre, tu as des gènes dominants qui vont aller au niveau de la psychologie aussi, qui vont être déterminés premièrement par la génétique, par la psychologie de la mère, et évidemment du père, mais surtout de la mère. Et là, on a un processus après la naissance qui amène l'individu, premièrement, à fusionner ses personnalités qu'il a à l'intérieur de lui. Ceux que de temps en temps, il s'estime lui-même puis il se parle. Un individu peut être colérique et puis à un moment donné doux. Un individu qui ne fusionne pas ses personnalités, ce qui est très rare, lors de son vieillissement, peut souffrir à un moment donné de dédoublement ou de pluralisation de personnalité. Alors, ce qui fait que normalement, l'enfant a deux personnalités, la personnalisation fusionnée de sa réincarnation pluralitaire et celle de sa mère. Ou un peu de son père. Et lentement, en vieillissant, il va fusionner ses personnalités réincarnatives et par après, il devra se séparer de l'attraction égoïque des parents. Il devra fusionner après ça les vestiges vibratoires de l'égocentricité des parents. Alors, ce qui fait que notre individu se réincarne. Il est donc plus le même, ce qui fait que veut pas, même s'il n'a pas évolué dans le plan génétique, tous les autres individus dans la psychologie qui étaient similaires à lui ont pu évoluer un peu. Et l'individu psychologique qui se réincarne est de toute façon plus évolué, sauf évidemment dans un rare individu où tous les caractères sataniques vont dominer. Alors, ce qui fait qu'il est la réincarnation d'un génie au même titre que les autres, mais lui, c'est un génie du mal. Et les autres ont tout en potentiel le mal, mais ils expriment tout le bien. Il lui a en potentiel le bien, mais il exprime le mal. La corporalité physique, disons que les individus qui vont se réincarner vont emprunter par après, elle aussi a évolué. Tu n'as pas évolué dans la génétique, tu meurs, tu es fusionné à d'autres, et dans 30 ans, 50 ans, 100 ans, 200 ans d'ici, tu te réincarnes dans un corps physique qui veut pas aura évolué par la génétique. Alors, ce qui fait que de toute façon, l'individu même qui disparaît revient dans un plan physique qui est plus évolué. Mais Daniel, mettons que tu prends dans cette espèce de brume là, où il y en a 80 fusionnés, là, qu'est-ce qui fait qu'il y en a un moment donné qui prime? C'est-tu l'intensité de son vécu, le taux vibratoire qu'il a atteint? Les individus disparaissent tous dans leur identification. Il reste une personnalisation qui est absolument différente et je ne veux pas l'aborder parce que le processus de la réincarnation est compris que par le plan psychologique et il est mal compris par le plan psychologique. Alors, l'individu même ne domine jamais. Toi, tu fouilles et tu sais que dans une vie ultérieure, tu étais telle personne. Mais tu étais telle personne, oui, mais ce que tu ne sais pas, c'est qu'elle est aussi réincarnée dans plusieurs autres personnes. Et que si ces personnes-là font aussi une régression d'âge, jusqu'avant leur naissance, ils vont eux aussi découvrir qu'ils étaient ces personnes-là, ce qui peut t'amener à t'astiner publiquement à un moment donné, comme ça s'est déjà vu à l'époque de Brady Murphy, de certaines autres personnes, que moi j'étais un tel, mais pas toi, puis que moi aussi je suis un tel, puis effectivement vous étiez un tel. C'est une dilution qui t'amène de toute façon à perdre toute identification. Et c'est obligatoire, et c'est pour ça que l'être humain meurt. Pour que l'identification maudite qu'il se crée dans sa psychologie et qu'il essaie de faire évoluer au lieu d'évoluer lui-même, puisse disparaître. Elle est brisée. Et l'homme meurt pour ça. Et l'homme a peur de mourir parce que l'homme inconsciemment sait très bien qu'en mourant, il disparaît. Alors l'homme apprend que la réincarnation existe parce que c'est intelligent mentalement dans son évolution, mais c'est pas l'homme psychologique qui se réincarne. Lui, il meurt puis il disparaît. Il revient très mixé, comme si tu prendrais différentes couleurs de lumière et que tu les mets dans un faisceau blanc. La lumière rouge n'est plus là. Elle est là, mais elle ne le sait pas. Et c'est important qu'elle ne le sache pas qu'elle est là. Sinon, elle recontinue de miner comme elle le faisait. C'est quoi ton évolution, toi? Vie! Quel genre d'individu qui, à l'âge de 20 ans, meurt à 90 ans et qu'ils ont réellement évolué? Il y en a-tu beaucoup, beaucoup sur la planète Terre? Même s'ils vivraient 90 000 ans, ils évolueraient pas plus. Sauf si on brise leur identification, qu'elle disparaît complètement et que l'individu mélangé au reste évolutif de la planète réapparaît. Les corps physiques évoluent pourquoi? Parce que nos corps physiques se mélangent, pour ça qu'ils évoluent. Sinon, ils évolueraient pas. Tu as une maladie et elle est dominante chez toi et à un moment donné, ben ton corps continue à vivre, toi, 4-5 000 ans. Ou encore, tu enfantes, mais toujours pareil, le même corps. Quelle évolution y a-t-il? Aucune. Et si on se mélange tous les deux et qu'on enfante quelque chose, tous mes caractères dominants avec les tiens ont une probabilité d'apparaître chez l'individu. Donc, on vient d'avancer dans l'évolution. Et c'est la même chose, on le comprend au niveau psychologique, parce qu'on se balance de notre identité psychologique. On s'intéresse qu'à l'identité psychologique. On se balance de l'identité physique. Et s'intéressant qu'à l'identité psychologique, lui, on veut pas qu'il meure. Puis le physique, s'il meurt, c'est pas grave, on va en avoir un autre. Mais le physique, qu'est-ce qu'il en pense de ça, lui? Ben, il en pense la même chose que la psychologie. Il en a aussi peur. On appelle ça l'instinct de survie. Il en a aussi peur que la psychologie, mais la psychologie s'en fout. Et elle peut s'en foutre, elle a raison de s'en foutre, car elle est dominante sur le corps physique. Mais dans la réalité des choses, elle n'est pas plus importante que le corps physique, même s'il le croit. Alors, ce qui fait que la brume, etc., la brume épaisse, c'est tous nos individus dans l'astral, et qu'on est capable, à un moment donné, d'aller chercher pour communiquer. Et à un moment donné, on ne peut plus communiquer. Pourquoi? Parce qu'il est dilué lentement avec l'éther astral. Lentement, tu ne peux plus le trouver parce qu'il est dilué, il s'en va au yob. Et c'est le cas de le dire. Tu rencontres un fantôme dans un château, par exemple, et après 100 ans, ou après 50 ans, ou après 30 ans, le château n'est plus hanté. On trouve plus le fantôme. Lentement, il s'est désagrégé. Tu rencontres ton grand-père qui est décédé, et il te parle, te donne des conseils. Tu ne parles qu'à sa mémoire psychologique, à sa mémoire de l'astral, mais elle est quand même légèrement intelligente, l'intelligence typique de l'astral, et elle peut te communiquer, te donner des conseils. 10 ans après, tu continues à communiquer avec, puis elle commence à te donner des conseils qui sont plus bons. C'est normal, ce n'est plus ton grand-père. Il est mélangé avec d'autres formes d'entités. Ce qui fait qu'à un moment donné, il y a une entité qui va mourir, qui va venir et qui va s'emparer du mélange. Il va être mélangé avec. et il va être dominant sur le mélange. Tu recommuniques ton grand-père et ce n'est plus ton grand-père, mais tu le sais pas. Alors le spiritisme, c'est une aberration idiote de l'évolution de l'homme et c'est pourquoi qu'on doit laisser les morts s'occuper d'eux-mêmes, parce qu'à un moment donné, on ne sait plus avec qui on communique. Alors, l'identité de l'homme, elle est diluée, elle est absorbée par l'astral planétaire, et c'est normal, cela doit être. Sinon, il n'y aurait pas d'évolution pantoute. Tu resterais toi, comme tu veux être toi, comme tu tiens à être toi, et il suffit juste que tu perdes un doigt ou un membre, ou que ta maison brûle, ou qu'il se passe la moindre petite chose dans ta vie, pour que déjà tu souffres tellement tu ne veux pas changer. Alors, si tu veux pas changer, tu n'évolueras pas plus si tu vis longtemps. Et puis en plus, tu vis pas longtemps parce que t'es tellement tout croche que tu désintègres ton corps. Alors, tu meurs, ta psychologie est diluée dans l'astral, ce qui est normal. T'as une certaine forme de personnalisation, non pas de l'esprit, parce que l'esprit, c'est pas si extraordinaire qu'on peut penser avec. L'homme croit que l'esprit est extraordinaire. L'homme a quelque chose d'extraordinaire en lui, c'est-à-dire que l'homme réel est extraordinaire, mais l'homme réel n'existe pas. En ce sens qu'il n'a pas d'identification de lui. Donc, l'homme réel ne sait pas qu'il existe parce qu'il ne vit pas sur le plan de l'identification. Mais l'homme psychologique qui l'entoure, l'homme réel, lui ne vit que sur le plan de l'identification et il cherche à faire évoluer l'identification. Et cette identification, l'homme psychologique, l'homme, doit mourir pour permettre à cet homme psychologique d'être détruit. Et lorsqu'il est détruit, alors, on fait évoluer, on subtilise le plan de l'astral, et lorsqu'il y a réincarnation, on a donc un corps physique plus adéquat, un corps vital plus adéquat, un corps psychologique ou astral plus adéquat, un corps mental plus adéquat, ce qui permettra, à un moment donné, à la personnalisation, à l'homme réel, de construire, de découvrir qu'il existe, parce que l'homme psychologique s'est totalement détruit, et il découvrira qu'il existe lorsqu'il pourra être en relation avec un ajusteur de pensée, c'est-à-dire quelque chose qui va venir obliger son être-té, l'expressivité des énergies, à être pure, c'est-à-dire qu'elles ne sont plus colorées par des plans inférieurs comme le plan psychologique, comme le plan vital, le plan de l'astral, le plan du physique individuel ou encore au niveau de l'échelle planétaire. Un jour, l'homme, il va commencer à un moment donné à s'apercevoir que, de temps en temps, dans ce qu'il dit, il y a un peu d'esprit, mais il n'y a pas un esprit là qui y colle après. Là, bon, ça, l'homme ça, n'a ça. Pas d'esprit. L'homme psychologique n'a pas de corps. L'homme physique a un corps, l'homme psychologique a une psychologie. Mais l'homme psychologique pense qu'il y a un corps, pense qu'il y a un vital, pense qu'il y a un astral, pense qu'il y a un mental, pense qu'un jour il va avoir un corps supramental, puis en réalité, c'est un petit morceau qui pense qu'il est tout. Donc, tu as le droit de parler juste au nom du petit morceau, je m'appelle. Quand tu es l'homme psychologique, tu ne parles qu'en fonction de l'homme psychologique. Mais l'homme psychologique se plaît de colorer l'homme mental. Alors, quand le mental veut prendre une décision, quand le mental veut comprendre quelque chose, faire une relation logique, l'homme psychologique vient s'en mêler et vient colorer l'homme mental, ce qui fait qu'à un moment donné, l'homme mental ne sait plus ce qu'il fait et l'homme psychologique croit être mental. De même que l'homme psychologique détermine qu'est-ce que le corps physique doit manger. Parce que l'homme psychologique aime ça. Et le corps physique, c'est bon pour lui ou pas bon pour lui, ça n'a pas d'importance. L'homme psychologique croit être le corps physique. Et l'homme physique, lui, n'a rien à dire. Alors, ce qui fait que l'homme psychologique détermine le nombre d'heures de sommeil du corps physique, le nombre de nourriture, la qualité de la nourriture, la fréquence de nourriture, les amusements, même si ça épuise l'énergie vitale, c'est pas grave, l'homme psychologique aime ça. Et l'homme psychologique veut évoluer. Et c'est lui qui est l'image. Et l'homme psychologique se dessine une espèce de tableau de lui-même qu'il trouve beau. Et il s'évertue à mettre toute l'énergie de l'évolution dans l'amélioration de cette peinture. Et plus il la trouve beau, plus il s'est évolué. Et cette peinture, qui est l'identification de l'homme psychologique, il se voit que parce qu'il y a une peinture qu'il a fait de lui-même, parce qu'il a une image, parce qu'il impressionne quelque chose dans sa matière astrale où il peut se voir, et il impressionne aussi la matière astrale des autres pour vous se voir encore mieux. Et à un moment donné, il doit mourir. Cette peinture doit être détruite et toutes les formes d'impression de l'homme psychologique doivent être détruites pour permettre l'évolution. Et le chemin, sur les chemins, c'est l'évolution malgré l'homme psychologique et tous les autres chemins avancés dans le plan planétaire par l'homme pour l'homme sont des chemins qui n'amènent l'homme qu'à de l'espoir, qui n'amènent l'homme qu'a de l'espoir qu'un jour son image sera parfaite. Elle sera à l'image de Dieu, qui amène l'homme à penser que la perfection de l'image est la perfection de l'être, de lui-même, qui amène l'homme à penser que l'expression qu'il a de lui est lui. Alors, c'est pour ça que si à un moment donné, tu te représentes comme étant le Nazaréen et que moi, je te dis que Jésus-Christ est un Christ de fou, alors à un moment donné, tu es frustré parce que tu te prends pour cette image-là et moi, je ternis l'image, tu te sens terni. Mais jamais le Nazaréen serait frustré parce qu'à un moment donné, on va prendre son crucifix et on va le casser. Imaginez-vous rentrer dans une maison où vous voyez à moitié déshabillé sur une planche de bois crucifié, ben vous serez pas content. Et puis si à un moment donné quelqu'un brise ça, ben ça vous dérangera pas. Par contre, si présentement on rentre dans une église et qu'on brise certaines formes, ça dérange le monde parce que l'homme croit que l'évolution se fait avec les formes et il croit que la forme représente réellement l'identité de l'individu. Le Nazaréen n'a jamais habité dans une croix, et la croix est là comme résultat dans la matière que l'onde de forme qu'elle dégage et l'attraction de l'égrégore chrétien pour, par exemple, exorciser quelqu'un ou des choses dans le genre. Mais celle-là, cette croix n'a aucun rapport avec le sens même du Christ. Alors, ce qui fait que tous ces phénomènes-là de l'homme psychologique doivent être balayés, c'est normal, et l'homme n'a pas le choix, l'homme psychologique n'a pas le choix. L'homme psychologique détermine ce qu'est la paix et il essaie de l'enseigner aux autres. Et il l'enseigne même par la guerre si les autres veulent pas comprendre la paix. Alors, pensons juste à ce que serait l'évolution si l'homme psychologique déterminerait les cadres de ce que devrait être l'évolution de l'homme. Tu évolueras en maudit comme moi. On fait juste regarder le nombre de religions, le nombre d'écoles, le nombre d'enseignements, le nombre de sectes, le nombre de tout ce qui existe, avec tous les moyens pour arriver à vendre. Et tu peux voir déjà ce que serait l'évolution de l'homme si l'homme psychologique arriverait à manipuler les énergies intelligentes pour imposer son plan d'évolution, qui serait évidemment un plan par l'absurde. Pour réussir une initiation, il faut être capable de réussir à maintenir l'harmonie dans son couple si on a eu des enfants. Qu'en est-il des personnes divorcées ou séparées si c'est le conjoint qui a brisé le couple? Si l'harmonie est pénible à obtenir, la personne a-t-elle l'obligation de maintenir son couple si ses enfants arrivent, jusqu'à ce que ses enfants arrivent vers 20 ans à peu près? Merci. Bon, l'importance même de l'initiation du couple lorsqu'il y a séparation ou probabilité de séparation ou lorsqu'il y a eu séparation se fait toujours au niveau du plan de l'intelligence. Autrement dit, s'il y a séparation sans séquelles pour les enfants et que tout va bien, l'initiation est réussie, même s'il n'y a pas de couple. S'il y a séparation parce que le conjoint réellement est hors des cadres d'une évolution, disons, collective normale et non pas d'une évolution individuelle, c'est-à-dire que si un individu a des enfants et que son conjoint est dans un cadre normal d'évolution collective, c'est-à-dire qu'il ne se drogue pas, il ne boit pas, qu'il n'est pas toujours sous, il n'est pas alcoolique à un degré dangereux, s'il bat sa femme et ses enfants ou que la femme bat, etc., dépendant des problèmes, il vient un moment donné où ce que l'initiation va être réussie lorsque l'individu, disons, en santé, va quitter l'autre. Mais elle doit quitter l'autre en amenant avec elle toutes les possibilités d'évolution, c'est-à-dire que s'il y a des enfants, c'est cette personne qui devra avoir la charge des enfants, si, évidemment, elle quitte le conjoint, parce que le conjoint est une aberration évolutive. Mais si tu lui laisses les enfants en plus, c'est aussi une aberration évolutive. Alors, l'initiation est réussie dans le couple en ce sens que où tu rétablis l'harmonie parce que tu es suffisamment intelligent, si là était ton initiation, où il y a séparation parce qu'il y a intelligence de séparation, mais c'est fait d'une façon intelligente, où il n'y aura aucune séquelle ni pour les enfants ni pour les adultes. Mais il doit y avoir séparation, sinon il y aura séquelles ad vitam aeternam. L'initiation réussie. Ou il y a abandon du couple, parce que le mari ou la femme rentrait tous les soirs avec une barre à clous et tapait partout dans la maison. Alors évidemment, il y a séparation. Et l'individu en état amène les enfants. Et il doit vivre avec les enfants d'une façon la plus adéquate possible. Il y a donc réussite de l'initiation. Et l'individu qui se voit enlever les enfants parce qu'elle était le problème du foyer et qui par après se transforme complètement, elle a aussi réussi l'initiation. Mais l'individu qui part lors d'un phénomène de couple, parce que lui évolue, et parce que le conjoint ne suit pas son évolution, et parce que le conjoint n'est pas suffisamment évolué, ou parce que le conjoint ne veut pas suivre les mêmes cours que lui, ou parce que le conjoint ne veut pas rentrer dans la même religion que lui, ou ne va pas assister aux mêmes conférences que lui, alors lui, là, il rate, hein, mais il rate au bout. S'il évolue plus, il est plus intelligent. Il devrait s'organiser pour marcher dans l'initiation. C'est là qu'il y a manquage d'initiation, lorsque l'individu quitte par snobisme évolutif. Merci. Je vais souhaiter au nom du personnel ici là, des joyeuses fêtes à tout le monde. Puis je pense qu'il y a... Je ne suis pas sûr s'il y a des conférences, genre, où je parlais de ça, c'est une franchise. Ouais, je voudrais seulement...